Prions alors. Tendre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour tout. Merci pour tes hauts faits dans nos vies. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons donner que de te dire merci. Merci à chaque fois pour le souffle de vie, pour ta protection, pour la santé, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as retiré des pièges de l'ennemi. Tu nous as retiré des forces. Chacun de nous, Seigneur, a une histoire avec toi. Tu nous as tellement, oh Dieu, gloire, béni. Mais très souvent, nous ne te sommes pas reconnaissants. Et nous ne contemplons pas ta face pour voir ta gloire dans notre vie, ta main dans notre vie. Seigneur, les œuvres que tu agis dans nos vies, Seigneur, sont nombreuses. Nous te disons seulement merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacune des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les genoux dérangent. Les grâces dérangent. Peut-être qu'il va boire de l'eau alors. Tu veux boire? Tu veux boire l'eau? Merci. Bois encore. Voilà, prends alors, tu bois. Maintenant, on va commencer avec les questions-réponses. Comme vous voulez. C'est à vous qui vivez maintenant. Questions-réponses. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir. Bon, il y a des gens qui disent bonsoir. Bonsoir à Casablanca. Bonsoir, frère. Ah, ben voilà. Viens t'asseoir là, on pose les questions. Voilà, tu es là pour moi. Ah, personne, en personne. Viens. En privé ou quoi? Alors, pose la question alors. Alors, on commence par moi. Oui, oui. D'accord. Bon, en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport à la contraception. Oui. La contraception, après avoir fait des recherches, je sais qu'elle ne vient pas de Dieu. Oui. Mais, nous autres là, nous, on n'accouche pas ces arrières. Oui. Et pour moi, c'est vraiment pas évident. Et j'aimerais avoir vos avis, et vous aussi, comme vous êtes là, vous avez aussi vos enfants. Oui. C'est possible, votre mariage. Oui. Dans ce genre de cas-là, oui. Comment on fait? Oui. C'est-à-dire que nous rencontrons dans un cas où tu as posé la question. Oui. S'il arrive qu'on doit écouter, parce que l'enfant vient là, on n'a pas demandé l'enfant. Là, césarien, à partir de 5 césariens, on dit qu'on ne doit plus faire les césariens. Dans ce cas, il faut couper le tronc ou bien faire la ligature. Bonne question, Marcel. Viens t'asseoir, on va venir à la pensée du Seigneur. À cause du bébé là. Les femmes, vous êtes d'accord qu'on répond à cette question? Oui, oui, d'accord, mes frères. Voilà. Comment tu fais même pour que l'enfant vienne même, entre chaque fois? L'enfant vient comme ça. L'enfant vient déjà dans la période de mon côté, c'est pas dans la période de l'ovulation. L'enfant vient toujours quand c'est pas l'ovulation selon le monde. Oui. Voilà. Donc ça veut dire que même si tu calcules souvent un temps, l'enfant entre, tu ne sais pas quand c'est entré. Voilà. C'est pour dire que Dieu est maître de tout là, au-delà de la science, Dieu contrôle toutes choses. Il y a des gens qui ont conçu sans trompe. Des femmes qui ont conçu sans trompe. Des femmes à qui on a raclé le vagin, l'utérus, et après elles conçoivent toujours. Donc Dieu est maître de ces choses-là. Il faut qu'on se pose d'abord la question derrière la procréation. Pourquoi Dieu permet qu'un enfant vienne au monde? Pourquoi? Je crois qu'il faudra donner les joies à ses enfants aussi pour qu'ils se conçoivent. Il ne peut pas rester comme ça. Si un enfant reste, on a déjà parlé, il reste comme ça, comme nous, tranquille, c'est que l'enfant a des problèmes. Donc, trouver le culte de jeu, ils doivent bouger. C'est une question sérieuse ici, il faut qu'on le réponde. Parce que j'avais suivi votre intervention sur la contraception. Ça, c'est à la radio ou bien. Bomba Ibala sur YouTube. Oui. Mais il y avait un monsieur qui vous avait parlé aussi du cas des césariennes. Oui. Vous avez parlé, vous avez dit que réellement le problème c'est un problème de foi. Oui. Je n'étais pas contre le témoignage de l'accouchement de votre femme aussi. Oui. Mais je suis sortie de cette intervention sans conclusion. Oui. Voilà. Bon, alors que je fonce droit, puisque c'est toi qui as posé la question. Tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Tu as vu un cas de césarienne dans la Bible? Oui. Bon, il n'y a même pas d'abord de médecin qui pouvait faire la césarienne. Alors, qu'est-ce qui cause la césarienne maintenant? C'est-à-dire pourquoi la césarienne se pose de façon spécifique à une époque où il y a les médecins qui peuvent faire cette césarienne. Et pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Avant, il y avait toujours les médecins. La Bible nous déclare dans ce livre de Luc, où nous venons lire, je crois, Luc chapitre 7. Au chapitre 8, on nous parle d'une femme qui avait une perte de sang et qui avait gaspillé son argent chez les médecins. Donc, il y avait les médecins. En Égypte, au temps de Pharaon, il y avait les médecins. Les gens accouchaient par césarien. Quel était le problème? Et quoi que... Attends, viens t'asseoir ici. Non, ça va, viens t'asseoir ici. Ne m'assois pas ici, là, comme ça. Je veux bien vous voir. Ça va? Tu peux t'asseoir, on est à l'heure. Non, toi, tu vas t'asseoir au moment. Non, alors, assieds-toi. M'assois ici, hein. C'est bon. Ok. Ouvrons le livre d'Exode. Donc, nous avons commencé avec question-réponse. Hein. Exode. Vous allez voir quelque chose? Tu fermes les petits, ça va être intéressant de faire. Ne fais pas autre chose. Exode, au chapitre 1. Exode, c'est le deuxième livre, c'est-à-dire Genèse. Après, vous avez Exode. Avec la luminosité, là, vous parvenez à voir là-bas. Exode, chapitre 1. On va lire à partir du verset 8. Je vais lire à partir du verset 8. Suivez tout simplement, d'accord? Ces questions, il faut les aborder de façon qu'il n'y ait pas de problème avec Dieu. Que la personne qui répond à la question n'ait pas de problème avec Dieu. Verset 8 et suivant. Je peux lire? Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Maintenant, à partir de cet instant, on va prêcher maintenant. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Écoutez bien, écoutez très attentivement. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous comprenez ce qu'il a dit? Empêchons qu'il ne s'accroisse. Nous parlons ici du plus grand royaume, c'est-à-dire que celui qui dominait sur la terre à cet instant-là. Nous parlons là du roi qui dominait comme les États-Unis dominent maintenant. Je voulais prendre ça pour avant d'avancer dans le cadre des César. Vous appelez quoi donc? C'est quoi? Non, face à la contraception. Vous voyez que ici se trouve le pays qui dominait sur le monde, comme les États-Unis dominent maintenant. Quand ils décident de donner des lois, les gens doivent s'exécuter tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont une raison, et chaque fois il y aura toujours, nous sommes dans Exode chapitre 1. Ils ont une raison, et il y aura toujours une raison que les gens vont sortir pour essayer de contredire la voix de Dieu. Lorsque dans Genèse chapitre 11, les gens ont voulu construire, ils ont construit la tour de Babel, ils ont trouvé pour excuse que des peuples ne soient pas dispersés sur toute la terre. Il faut qu'on se regroupe parce que l'union fait la force. Mais la volonté de Dieu était expresse, il fallait qu'on se multiplie sur la terre. Donc, en voulant construire une tour qui rassemble les gens dans un même lieu, humainement parlant, c'est bien qu'on soit ensemble. Mais la volonté de Dieu, c'est que les gens se dispersent. Donc, une idée était déjà contre l'idée de Dieu. Et par conséquent, c'était inspiré du diable. Voici les gens, ce n'est pas moi qui t'ai créé. Il n'y a aucun être humain qui a créé un autre être humain. Ils commencent à prendre la décision, ils disent que les gens, comme on en trouve ça, mais dans ce même esprit, c'est tout maintenant. On donne la justification que la population mondiale a atteint 7 milliards. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Si on construit comme ça, il n'y aura pas de place pour tout le monde, n'est-ce pas? Dans ces cas, qui suis-je pour empêcher à l'autre de venir dans le monde? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Il dit, ok, la population peut-être de ton pays, la Côte d'Ivoire, c'est ça? Peut-être vous êtes peut-être 16 millions. On dit, ok, Côte d'Ivoire, 16 millions, c'est trop. Il faut qu'il y ait un planning familial parce que la conjoncture de la Côte d'Ivoire ne permet pas à ce qu'on ait beaucoup d'enfants parce qu'il n'y aura pas de ressources pour tout le monde. C'est ça, non? En tout cas, le président, quand il va à un séminaire, il dépense 1 milliard pour le cortège et toutes les visites. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce qu'on se comprend? En tout temps, les voitures présidentielles, le carburant, les ressources minières sont entrent dans les comptes privés. Mais ce qui présente à la population, c'est qu'il n'y a pas de ressources pour tout le monde. La question que je me pose et que nous devons nous poser, c'est lui, il est qui pour commencer à limiter les naissances sur la terre. Ça fait partie d'un enseignement, grand enseignement qui va sortir sur ce thème-là. Le Créateur qui a décidé que les êtres humains doivent être sur la terre, n'a-t-il pas prévu des ressources pour tout le monde? Vous suivez la question? Le Créateur qui a permis que tous les gens, que nous sommes sur la terre, est-ce qu'il n'a pas permis que nous soyons... Vous me suivez, n'est-ce pas? N'a-t-il pas prévu toutes choses pour nous? Voilà. Maintenant, suivez maintenant. Ça veut dire quoi? les gens vont toujours chercher une raison valable qu'ils vont présenter pour que les gens soient d'accord avec l'idée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'une loi soit bientôt à l'Assemblée nationale. On passe aux Nations Unies pour le cadre international, pour que les gens voient. Mais avant cela, on cherche des projets, on crée des ONG, on crée des partenaires, les partenaires sociaux qui vont vulgariser. C'est comme ça qu'on a fait avec le VIH-Sida, le cas du VIH-Sida, dans les écoles, dans toutes les chaînes, les publicités, les journaux. On impacte tout pour que ça reste dans le mental des gens, pour que les gens puissent appréhender ça et accepter ça comme vérité. Et par conséquent, quand tu vas voir n'importe quel enfant, il peut te parler du sida, il peut te parler maintenant de la protection, de la préservative, ainsi de suite, parce que dans les écoles, on est passé partout. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une stratégie pour imbiber ça à l'intérieur des êtres humains pour qu'ils puissent accepter ça comme étant la vérité. Et par conséquent, quand une loi sort comme ça, comme il vient de sortir ici, il dit, regardez encore verset 10. Alors, montrons-nous habiles à son égard. Verset 19 d'abord, il dit à son peuple. Donc, quand il dit à son peuple, le roi ne marche pas de quartier en quartier. C'est un décret qui sort. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. C'est déjà un danger. Donc, politiquement parlant, stratégiquement parlant, c'est un danger qu'il y ait des étrangers dans ton pays et que leur nombre soit supérieur à votre propre pays. Donc, politiquement parlant, il a raison. Mais est-ce que la volonté de Dieu, qu'on puisse supprimer un peuple ou empêcher un peuple de se multiplier parce que, sous prétexte qu'ils sont plus nombreux? Verset 10, alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse. Ça veut dire qu'on parle de la contraception à tout prix. Ici, c'est la contraception à outrance même. Parce que ici, la contraception que les gens qu'on présente dans les planning familiales, c'est qu'on essaie d'expliquer ça aux parents. Ce sont des projets sataniques qui vont aller décidément à un moment donné comme une loi de façon irrévocable. Ce sont des projets que Satan prépare. On dit, toi et ton mari, venez à le planning familial, on essaie de voir, on vous pose des questions. Les ressources que vous avez, qu'est-ce que vous avez à vivre, quels sont les projets, les héritages que vous avez. S'il n'y a pas, on vous sujet de la limitation des grossesses. C'est pas ça, hein? On prescrit dans les moyens de contraception qu'on a pour nous, qu'ils ont préparé, et vous sujet dans ce que vous pouvez prendre. Et les pilules pour les uns, la ligature des trompes pour les autres, mais suppression totale des liqueuses. Nous sommes d'accord. Maintenant, il dit, verset 10, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et ensuite sortir du pays. Donc, il y avait une raison valable qui pouvait faire que la population acquiesce, adhère à cette politique. Parce que la logique veut que si la guerre vient maintenant, Israël se joint à son peuple. Au peuple ennemi pour les combattre. Donc, ça veut dire que quand il a dit ça, chaque Égyptien doit. C'est la cause. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Pour qu'on puisse traiter mal les étrangers, les lois sortent et autres là-bas. Comme vous avez vu, quand nous sommes au Maroc, la bagarre entre les Camerounais et les Ivoiriens. Voilà une étincelle qui peut faire une loi sorte désormais. Pour donner les conditions d'entrer dans les maisons que vous avez là maintenant. On commence à rendre ça plus rigide. Que pour que quelqu'un puisse avoir une maison, il faut que le bailleur soit inscrit lui-même et qu'il inscrit les gens et qu'il y ait les identités fichiers. Alors les gens pourront avoir les maisons facilement alors. Voilà. Donc ces choses-là donnent des raisons. Quand on va faire avec le fait que ça a eu dans le média, dans la société, les Marocains vont dire que okay, le pays, le roi ou bien le président ou bien le gouvernement a le droit de prendre cette décision. Parce qu'il y a du désordre dans ce secteur. On trouve toujours des raisons. Pour qu'on fasse des passeports biométriques, vous allez à l'aéroport, on vous demande de regarder si vous filmez, on filme votre œil. Vous mettez votre empreinte. Chaque aéroport, les informations sont fichées, centralisées. Pour que si demain tu as un autre passeport, tu viens là-bas, cet œil-là, quand ça sera fait, quand on fait pipe, ton œil, ton empreinte, ça sort un autre nom. On te dit, assure-toi là-bas, tu crois qu'on va te donner la pizza. C'est la police qui vient te prendre, tu ne comprends pas comment il a pu le détecter. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Comment ils sont arrivés ici? Les terroristes qui infiltraient, on dit que les terroristes ont infiltré le pays, ils sont allés à l'intérieur. Comment il est entré? On dit qu'il était en Irak. Comment il a fait pour entrer là-bas? Donc, il faut qu'on trouve des moyens maintenant pour dire aux gens, pour votre sécurité et la sécurité du pays, on doit faire ces choses-là. Par conséquent, les gens peuvent accepter facilement. Voilà le nouveau ordre mondial qui est en train de mettre sur place en outrance. Le contrôle de toute personne. Ça va arriver au point où tu ne peux plus passer. Quand tu vas passer n'importe quel coup de fil, en fait, de toute façon, si vous passez un coup de fil, vous passez 2 minutes au téléphone, vous commencez à dire des noms où il y a des terroristes sur ça, bombes sur ça. Et dans les minutes qui suivent, on va venir te prendre. Parce qu'il y a des serveurs qui sont centralisés, qui analysent les conversations et les connotations des terrorismes. Quand tu terrorises, on localise ton appartement, ton nom, on commence à te surveiller. C'est comme ça qu'il fait pour filer les gens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y aura toujours un prétexte pour pouvoir lutter contre la loi de Dieu. Et ces prétextes-là peuvent être humainement acceptables. Mais dans chaque décret, chaque décision qui sort sur le plan universel, il faut qu'on vérifie d'abord si, un, ça contredit la voix de Dieu. Sur cette base, donc, je veux que nous tous nous répondions à une question. Est-ce que la contraception, oui ou non, contredit la loi de Dieu? Ça contredit la loi de Dieu? Ça contredit? Ça contredit, n'est-ce pas? Si ça contredit, ça suppose que tout ce qu'on peut faire par la suite pour essayer de justifier, ce sont des fuites en avant. La loi de Dieu ne peut pas changer. Nous sommes d'accord. Il dit, si nous admettons dès le départ que la contraception contredit la loi de Dieu qui est selon sa promesse est qu'on part, qu'on se multiplie, qu'on fructifie, qu'on tient la terre assujettie. Parce que quand il a dit cela, il savait qu'en nous serons en 2017 sur la terre, il savait combien de personnes seront sur la terre, n'est-ce pas? C'est lui le créateur. Il sait en 2020 combien de personnes seront sur la terre. Nous sommes d'accord. Alors si Dieu a dit cela et que nous nous trouvons dans une phase où il faut qu'on réfléchisse mieux que Dieu, nous sommes des antéchrist. Pas vrai? C'est pas ma soeur. Non, j'arrive. Comment tu t'appelles déjà? Sakina. Il dit ceci. Chaque chose que nous voulons faire, il faut d'abord qu'on pose la question. Est-ce que oui ou non, en allant comme ça, c'est contraire à la volonté de Dieu? Je te pose donc la question à toi-même. Est-ce que la contraception, il y vient sans me donner de « j'ai fait ça pour ce parce que » parce qu'il y a toujours « parce que ». C'est le « parce que » que je... C'est pour ça qu'il a commencé ici pour vous, qu'on voit « parce que ». Ceci, on dit « parce que » si Israël, qui lui a dit qu'il y a un conflit qui est en devenir, qui lui a dit que dans ces conflits-là, Israël ne sera plus de son côté et ça sera avantageux pour lutter contre le peuple-là. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? C'est ça que le verset dit, commencé au verset 8. Le verset 7 dit « les enfants, quand les enfants ont commencé à se multiplier, un autre roi est monté qui ne connaissait pas Joseph. » Donc le seul roi s'est monté, il oublie tout ce que les Israélites ont fait pour eux. Ils ont pris sa part de décision, les Israélites sont devenus leurs ennemis. Alors sa raison semble tenir pour son peuple. Mais qui lui dit que c'est la raison contraire? Ce n'est pas la chose contraire que le peuple pouvait faire. Comme il n'est pas Dieu, il prend plutôt l'engagement d'aller contre Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que la contraception est contraire à la loi de Dieu? Tu comprends que c'est contraire à la loi de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose contraire à la loi de Dieu? On doit faire cela. Même s'il y a n'importe quoi. Dans ce cas, je continue la lecture ici. On y va. Suivez dans votre Bible. Soyez concentrés. Maintenant, continuons. Verset 11. Et l'on établit sur lui. Verset 10 encore. Allons, montrons-nous Abel à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. Afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Donc on les a pris, maintenant les gens qui étaient amis sont devenus des esclaves. C'est ici que l'esclavage des Juifs commence, à cause de ce décret. Verset 12. Mais plus, regardez bien, mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Qui faisait la naissance? Qui faisait la naissance? C'est le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre. Dans Genèse. Ici, soyez concentrés. Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 17, chapitre 22. Il a dit que la postérité d'Abraham doit être comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sont embordés de la mer. Donc ils doivent être multipliés. Ça veut dire que toute personne qui essaie de les contredire, de l'empêcher, cet accroissement est un ennemi. Même s'il donne les choses qui sont vraies. Parce que ce qu'il dit là, politiquement, c'est vrai. Parce qu'il y a un conseil des ministres pour pouvoir dire ces choses-ci. Et les gens trouvent que c'est logique. Mais ça, sa logique contredit la volonté de Dieu. Maintenant, voici la chose. La Bible déclare que plus il l'accablait, plus il multipliait. Qui donne l'enfant? Maintenant, voici les gens qui vivent sous l'esclavage. Normalement, ils devraient se poser la question que, comme je vis sous l'esclavage, il faut que j'arrête d'accoucher. Parce que là, j'accouche comme ça directement un enfant esclave. N'est-ce pas, ma chère? Mais plus on les matraquait, plus il accouchait. Un autre loi maintenant va sortir. Avançons dans la loi. On dit plus on l'accablait, nous sommes au verset 12, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël, dont la fécondation était forte en Israël. Tu regardais seulement une femme quand tu dis bonjour, elle tombe enceinte. Verset 13, c'est une façon de parler. Ne me dis pas qu'on envoie l'enfant avec les yeux. Verset 13. Alors les Égyptiens réduit les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Écoutez. Le roi parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Vous voyez les lois? Les garçons ont fait quoi? Les garçons ont fait quoi au juste? Parce qu'ils savent que les enfants portent la nationalité des parents, des hommes. Si les femmes sont réduites là-bas, qu'il n'y a que les femmes là-bas, les Égyptiens prennent les femmes, quand ils accouchent, l'enfant c'est un Égyptien. Il faut détruire les hommes qui reproduisent le peuple. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Le roi, verset 18, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, non, je crois qu'il est sauté là. Verset 17, mais les sages femmes craignit Dieu et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Vous avez vu, quand vous voyez les gens qui craignent Dieu, n'est-ce pas? Quand on craint Dieu, c'est la position qu'on doit faire. Un décret sort, faites tes choses, tu sais que c'est contraire à la volonté de Dieu. Il faut tenir pour Dieu. Maintenant, tout genre de situations que tu vas apporter, et maintenant, Dieu va bénir ces gens, c'est à cause de ça, à cause de la position qu'elles ont prise, ces sages femmes-là. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, ha! Tu ne connais pas les femmes hébreuses là, ne sont pas comme les Égyptiens, elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée des sages femmes. Donc quand l'enfant sort, ça sort. Écoute, c'est ce qu'elles disent. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Donc, Dieu dans le ciel, le verset qui vient nous montrer que Dieu dans le ciel regarde les accouchements sur la terre et il prête attention. Dieu, il dit, on dit Dieu fit du bien aux sages femmes. Non, quand ils discutaient comme nous sommes en train de discuter là. Mais l'attention du ciel était dans cet événement. Nous sommes d'accord? Donc malheur à nous ce que nous sommes de faire. Parce qu'un être humain vient par la volonté de Dieu. Au point où Dieu avait même dit dans le livre d'Exode qu'on ne trouvera même pas chez toi les femmes qui avortent. On ne doit pas avoir cela. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce que Dieu a une rigueur là-bas. Parce que c'est la façon qu'il transpose la vie. Aucun être humain, donc, n'a le droit d'interdire la vie. Aucun être humain n'a le droit de supprimer la vie parce qu'il ne peut pas donner la vie. Seul l'auteur de la création, l'auteur de la vie, peut décider de qui supprimer. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Si il dit, ok, je fais, toi, tu vas maintenant, tu dis avec ton mari, tu dis, coupe-moi les trompes là pour que les enfants, voilà, David ne me suffit pas, il dérange. Il ne me laisse pas. Parce que il y a. Ça, c'est la justification. S'il vient encore là maintenant, comment on va faire avec la. Le docteur a dit que c'est par césarien qu'on va accoucher. S'il accouche encore là, 5 césariens, c'est déjà fini le corps. Le médicalement, c'est impossible. Dieu lui l'a dit, tout est. À haute voix, tout est. Donc tu crois tout, sauf l'autre là. Tu crois aussi ça, hein? C'est, ça devrait régler le problème normalement, mais c'est pour nous l'enseignement. Alors, ça veut dire que si quelqu'un était quelqu'un de foi, comme cette femme, cette sage femme-ci, le pharaon peut donner l'ordre qu'on les tue directement parce qu'ils ont désobéi à ses lois. Mais Dieu était derrière pour nous. Ceci, c'est écrit pour nous montrer quelque chose. Que si les hommes du monde veulent faire n'importe quoi selon leur folie, ceux qui croient en Dieu ne doivent pas faire comme ça. C'est le docteur avec leur science qui dit que si quelqu'un accouche 100 fois par césarée, il ne peut plus accoucher parce que sa vie est en danger. C'est lui qui a dit cela. Mais ces sages femmes-ci avaient mis leur vie au prix par rapport aux enfants là. C'est pas ça, hein? Qu'avait-elle à gagner par rapport à tout ce qui a accouché là maintenant? Qu'avait-elle à gagner? Elle avait une chose dans le cœur parce que si elle fait cela, elle déshonore Dieu. Donc elles ont décidé de prendre parti pour Dieu, même si ça va leur coûter la vie. On se comprend là maintenant? Or, empêcher les gens de procréer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de façon moderne la contraception. Vous voyez très attentivement que j'ai essayé de brosser pour montrer que c'est la volonté de Dieu sans toucher et au cas où la femme est en danger. Au cas où je ne vais pas toucher ces cas parce que si c'est comme ça, chaque personne pourra avoir une justification. C'est ça qui a amené la loi en France enfin en Europe aujourd'hui par rapport à l'interruption IVG, volonté de la grossesse, cas où le parent a constaté que sa fille est mineure, peut-être elle a été violée parce que l'enfant est entré, il peut demander au juge et que le juge donne l'ordre au médecin de faire. Ça, c'est ce que les gens auront fait sur la terre. Toi, en tant qu'être humain, quand tu avortes quelqu'un, tu peux chez le médecin parce que sur prétexte qu'elle a été violée. Qu'est-ce que le Créateur dit? C'est au Créateur qu'on doit poser la question. Parce que pourquoi on te viole à l'instant où il y a la fécondation? Il y a des enfants qui ont été violés, des femmes qui ont été violées, qui ont accouché les enfants, qui sont aujourd'hui des prédicateurs. Prédicateurs, c'est-à-dire qui prêchent et la vie éternelle donnée aux gens. Si cette personne n'était pas sur la terre de cette façon-là, c'est la miséricorde de Dieu qui nous couvre. Donc en réalité, je fais tout et tout pour mettre hors de la plaque toutes genre de justifications qu'on peut mettre tout autour pour pouvoir donner le pourquoi de la contraception. Si quelqu'un, quand tu vas prendre le cas de la césarienne, l'autre va me prendre le cas de je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, l'autre va donner son cas. Mais la Bible déclare que l'Éternel est vivant. Quand il est vivant, ça veut dire quoi? Elle dit, et ses regards sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à ceux qui le cherchent, à ceux qui crient à lui. Quand on dit ça dans la Bible, ça veut dire quoi par rapport à notre croyance? C'est-à-dire, quelle est notre relation avec lui? Les hommes ont dit ceci. Qu'est-ce que lui dit par rapport à cela? Si tu crois Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, autrement dit, la césarienne. Le fait que les gens ne travaillent pas. Le manque d'argent et autres là-bas. Depuis, tu as vu que tu vas avoir un enfant, deux enfants. Tu dis, non, si il y a 10, je ne pourrais pas faire. Je ne pourrais pas tenir. La seule chose à faire, c'est de ne faire plus ces choses que l'homme et la femme font. C'est ça, non? Parce que c'est comme ça qu'on fait pour avoir l'enfant. Tu ne veux pas, tu restes tranquille. Parce qu'il a dit que les gens peuvent rester comme ça à cause du royaume. C'est ce qu'il a dit. Donc tu peux faire cela à cause du royaume. Donc tu ne fais plus. Donc pour ceux qui ont l'amour, ils peuvent le faire. Mais si tu es marié, donc il faut que tu te dises avec ton mari de façon claire que vous ne faites plus jamais l'amour. Un sax. si tu es d'accord que okay, on vit ici maintenant comme frère et soeur, tu l'appelles dans frère en Christ. Si tu dois te répondre le frère en Christ, voilà. Alors dans ce cas, ne faites pas. Mais ça peut se faire pour un quand même. Comment ça? En fait, bon, il faut que je vous explique un peu ma pensée par rapport à ça. Tout ce que vous avez dit, franchement, je sais que c'est la vérité. Parce que, quand j'étais dans le monde, mon cycle fonctionnait comme normalement. Normalement. Le Seigneur, j'ai eu à faire même 5 avortements. Tellement c'était pour moi rapide. Même si c'était avant, c'était toujours comme ça. Oui. Et étant dans ma foi, quand je me suis mariée, j'ai eu ma première fille. Voilà. Elle, je l'ai eu quand j'étais dans le monde. Maintenant, quand on s'est marié, avant que l'enfant vienne, c'était beaucoup d'obstacles. Oui. Voilà. Donc, alors que dans le monde, tout était réglé. Le cycle ne fonctionne plus. Donc, nous-mêmes, on a cherché l'enfant, ça ne fonctionnait plus. Toute la population, selon le monde, parfois, on allait, mais rien. Il y avait beaucoup d'oppression jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur nous visite. David, qu'est-ce qui a venu déranger là par le bruit là? Avant même que je me marie, je disais toujours à Dieu, je priais, je lui disais que je te laisserai toi-même espacer mes grossesses. Oui. Je n'ai pas la conviction de. Parce que avant de connaître même mon mari, avant qu'on se connaisse même, je portais stérilé pour le monde. Et quand je me suis convertie, quand j'ai lu des choses, je suis allée sur un site chrétien, j'ai vu des femmes chrétiennes qui disaient que le stérilé n'empêchait pas la nidation, mais détruisait l'œuf. Et du coup, je me suis sentie souillée de porter ça en moi. Et donc, je suis partie moi-même de faire enlever ça. Oui, directement. Et vu que je me suis dit, ah Seigneur, il y a des choses que j'ai faites consciemment, et sûrement des choses que j'ai faites inconsciemment. Donc vraiment, je te demande pardon pour tous ces avortements inconscients. Ça, c'est seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu, sans même mariage, sans rien. Je venais de naître de nouveau. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai dit, bon, si c'est comme ça la contraception, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Oui. Quand je me marie, je te laisserai toi-même séparer, espacer. Tu as fait cette prière à Dieu. J'ai fait cette prière à Dieu. Waouh. Parce que j'avais déjà pris conscience de ça avant le mariage. J'ai fait des recherches sur la publicité, les autres choses, et je voyais que ça n'empêchait pas, ça détruisait. Au contraire, moi, ça donnait la conscience. En fait, je demandais pardon à Dieu, Seigneur, j'ai pris telle chose, cette histoire de pilule du lendemain, pilule, oh Seigneur. Il y a des choses conscientes qu'on a fait allant chez le médecin, mais il y a des choses que nous-mêmes, on a fait inconsciemment par ces histoires de contraception. Donc Dieu a fait grâce, je suis marié, mon mari aussi épouse aussi cette idée aussi. Lui aussi, dès que je lui ai parlé, il dit, mais ça c'est ce qui est normal, c'est pas à nous de contrôler. Et vu qu'au début l'enfantement c'était difficile, ma césarienne, ma première césarienne, c'est ma propre faute, je reconnais. Parce que si on veut regarder, sous le regard de l'enfant, c'est Dieu qui met l'œuf, c'est Dieu qui connaît le jour où l'enfant sort. Oui. Mais moi, le dernier mois, vu que je tardais à accoucher, les médecins ont commencé à m'effrayer. Non, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être que... Ça t'a effrayé, ça, tu as eu plus peur. Et ça me faisait, entre les deux enfants, il y a un espace de 8 ans. Moi, je ne voulais pas faire tous ces 9 mois pour perdre encore l'enfant. Et j'ai tellement été combattue dans mes entrailles pour enfanter que je ne voulais pas vraiment... Donc, tu as donné l'accord comme... J'ai donné l'accord au médecin comme César. Du coup, quand j'ai fini d'accoucher, j'ai dit au Seigneur que je ne prendrai toujours rien, Seigneur. Je prie que toi-même tu confondes mes autres, les médecins. Et mon mari et moi, on a prié encore par la foi, Seigneur. Nous allons encore aller par la foi. Pour moi, Dieu connaissant mes douleurs, étant seul à l'étranger, ne pouvait pas me donner une grossesse de sitôt. Un mois et demi après, je fais un songe. Je dis, dans le songe, je dis à mon mari, deux grossesses la même année, c'est quoi ça là? Quelle honte! C'est moi qui disais ça. J'ai honte, je disais ça à moi. Et je me suis réveillée. Il a dit, ah, voilà ce que j'ai fait comme songe. Je lui ai dit, mais on a prié, non? Ok. Bizarrement, l'enfant se sève un mois et demi. Trois mois après, grossesse. Bon, arrêtons d'abord là-bas, je pose une question. Tu dis que tu as prié dès le départ que c'est Dieu lui-même qui contrôle les espaces. Oui, c'est moi-même qui ai dit. Lui, maintenant, il donne un, de quoi, deux dans la même année. L'étonnement est là. Donc il a décidé que l'espace est en moi. Parce que quand on dit espacé, ça suppose que quand on dit Seigneur, espace. Frère, si Jésus-Christ, comme on le dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Oui. Dans la douleur, le corps, là, c'est même qui a crié. Oui, mais. Non, frère. Le matin, dans Genèse, il avait dit quoi dans Genèse? Que tu enfanteras. Dans la douleur. C'est une bénédiction, non, ma soeur? Frère, bénédiction comme ça. Attends, continue alors, continue. Frère, les grossesses rapprochées, c'est dur. Oui. Surtout les femmes qui ont été scénarisées. C'était un moment très, très, très dur pour moi. Mais c'est comme si, dès que j'ai eu la deuxième grossesse, c'était avec l'âme. C'était pénible pour moi. Attends, tu n'étais pas en joie. Je n'étais pas en joie. Tu n'as jamais dit merci au Seigneur. Non. Pourtant, tu lui avais demandé de contrôler. Mais pour moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai dit qu'il m'a trahi. Que Dieu t'a trahi plutôt. Oui, je suis sincère. Franchement, je suis sincère. Je me suis sentie trahie parce que j'avais trop mal et j'étais seule. Oui, j'étais seule. Mon mari allait au boulot, toute seule après une césarienne avec un bébé, c'était pas facile. Et je n'ai pas fini trois mois encore un deuxième bébé. Ok, père, tu as donné, qu'est-ce que je peux faire? Je peux que prendre et supporter. Et c'était vraiment dur. De six mois jusqu'à neuf mois, c'était que des contractions. Elle venait me voir parfois, même pour marcher, frère, je n'arrivais pas. Et j'avais un bébé à gérer. Tu peux rien faire. C'était avec la blessure qui n'est même pas encore bien cicatrisée. Oui, c'était très pénible. Plus le ventre pousse, le ventre brûle à l'intérieur. Je vais te dire à mon mari, dès que j'accouche, je mets stérilé. Donc tu reviens sur ce que tu avais déjà rejeté. Oui, j'étais revenu là-dessus. En même temps, tu priais. Non, je priais toutefois dans la grossesse. Je priais toujours afin de Seigneur, tu espaces ton corps en grossesse. Oui, parce qu'au fond de moi, je connais la conviction qui bouge. Je sais que la contraception ne vient pas de Dieu. Mais je priais que lui-même m'accorde un temps de repos. Parce que ma motivation, ce n'est pas les finances. Parce que jusqu'à présent, mon mari n'est pas riche. Mais l'Éternel a toujours pris soin de nous. Il nous donne ce qui, même quand il n'y a pas de son côté, l'Éternel suscite. Amen. Même ce qu'on ne peut pas imaginer, le Seigneur fait. Donc, on a expérimenté sa grâce. Mais à cause des douleurs, frère. Donc c'est la douleur qui te faisait fuir ça. Jamais ça me fait fuir si je parle de ça, c'est que j'ai fait. Donc frère, donc j'ai cru en mon Dieu. Frère, j'ai cru en mon Dieu. Le jour ils ont planifié la deuxième césarienne parce que la médecine, quand tu n'as pas deux ans, on te planifie en césarienne. J'ai dit à mon mari, je n'ai fait aucun examen dans la grossesse, c'est rien. Je partais parfois comme ça, mais les bilans, tout ça, je ne faisais rien. Je disais que c'est lui qui a donné cette ça là. Je ne charge même pas de cette grossesse. Et j'ai prié pour accoucher normalement. J'ai prié pour accoucher normalement. On m'a donné rendez-vous, je suis partie trois semaines, deux semaines après, croyant que Dieu puisse me faire accoucher normalement. Et c'est pas parce que j'ai accouché encore parce que je crois pas en lui. Au lieu de ça, j'ai prié pour accoucher normalement. Toi, tu veux prier comme ça? Je vais croire, frère. Donc, Et le jour de l'accouchement, j'ai laissé mon corps travailler. Mais bon, à la dernière minute, ça s'est passé encore à césarienne. Tu étais fâchée contre Dieu à ce moment-là? Non, je n'étais pas fâchée contre Dieu. Au contraire, je me reprochais, je me disais que voilà, peut-être que y avait... je réfléchis, je méditais sur mon miracle à avoir été. Pourquoi? Si, pourquoi ça passe? Je sais que Dieu honore la foi. Oui. Voilà, Dieu honore la foi, je le connais. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Ce n'est pas aujourd'hui, je vais venir dire que voilà, comme le père ne m'a pas fait accoucher normalement. Non, ça veut dire que l'essentiel, l'enfant et moi, on est en vie. Voilà. Parce que c'était difficile. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la paix. Je n'ai pas mon esprit. Dans le sens où j'ai peur. Quel autre enfant entre? J'ai peur. Oui. Je n'ai pas mon esprit. Oui. Je ne veux pas aujourd'hui une non-abstinence. La femme peut. Mais la parole de Dieu est claire. Si Dieu même a créé le corps, oui. Il a dit, allez ensemble. Si ce n'est pas un commun accord pour la prière, oui. C'est lui qui a créé le corps. Et dans le cas du mariage, voilà ce qu'il a dit. Oui. Et si moi, je transgresse, que je reste là à calculer, parce que quand la parole de Dieu est claire, quand ça ouvre les portes au diable, parfois, même si on ne parle pas de diable comme ça, ça peut être des situations dans ma maison, à cause de certaines choses, que comme on désobéit à Dieu, tant qu'on transgresse la loi, sur le moment, il y a des conséquences. Oui. Donc frère, mais au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en paix là-dessus. Je sais, je me retrouve dans une situation où je ne peux pas mettre de contraceptif. Parce qu'au fond de moi, c'est clair. C'est clair. Et j'ai déjà élevé cette prière à Dieu. Et je sais, connaissant la vérité, une soeur qui fait ça, qui ne connaît pas la vérité, mais je connais la vérité. Je ne peux pas aller faire ça. Oui. Mais je souffre jusqu'à présent de mon corps. Et tu n'as pas la paix dedans? Je n'ai pas la paix des contraceptifs, mais je n'ai pas la paix aussi d'aller comme ça. Oui, parce qu'en fait, ça peut encore arriver, la grossesse peut encore arriver. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier Dieu que si ton mari te regarde comme ça, rien ne se passe. Frère, j'ai prié. Un moment, deux, j'ai prié. Non, après, au moins deux, trois ans. Tu pries comme ça, le gars est efficace encore, s'il te plaît. J'ai prié, je me suis dit non, Seigneur, accorde-moi deux, trois ans. Après, je me suis dit non, c'est pas à moi de donner à Dieu. Parce que nous sommes en fait, le temps de guérison, le temps qui est. Mais c'est à cause de vous qu'on discute ici comme ça. Là. C'est de toi dont on parle ici. C'est de toi dont on parle ici. Oui, ma soeur, parle. J'ai prié le Seigneur, maman, afin que. Je me suis dit, donc, appelle-moi deux, trois ans. Après, je me suis dit, mais les deux, trois ans, c'est le monde qui demande ça comme ça. Oui. Et moi, ma motivation, c'est que Dieu m'accorde la guérison. Oui. C'est pas autre chose. Même s'il me donne 10, je parle sérieusement avec la foi pour ça. Même s'il me donne 10, je vais accoucher. Oui. Hein, la vie, c'est lui qui donne. Quand j'ai médité sur la vie, je médite tout. Mais je souffre dans mon corps. Je souffre jusqu'à présent. Faire regarder mes os, tout est sorti. J'ai mal quand je me couche, je crie comme ça parce que. La grossesse après les enfants puissent tout en toi. Oui. Le fer, le calcium, tout, mon corps me fait mal. Oui. Donc je me dis, ah, est-ce que dans ce genre de cas, les préservatifs ne sont pas permis? Bon, attends, non, là je pose la question. Non, c'est bon, c'est amusant. C'est ton histoire est très bon et c'est amusant. Ma soeur. Je vais passer de toutes les pompes, c'est lui qui a médité. Ça va pas. Le préservatif est quand même mieux. Peut-être que des sujets, quand c'est des raisons médicales, peut-être que Dieu peut permettre. Donc. Voilà, là où je suis. Bon. Je ris, mais ça va pas. Bon, je pose la question. Donc, tu as le mal dans le corps, le fait comme ça, mais jusque là, tu fais tuer l'affaire, là. Est-ce que c'est bon? Bon, on va résoudre ce problème-là. La première chose, c'est ceci, c'est que s'il n'y a pas la paix dedans, ça suppose qu'il y a un reproche que Dieu a envie de faire. C'est la première chose. S'il n'y a pas la paix, d'accord? Dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Veillez avec une action, avec action de grâce. Il dit, et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Christ. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, si tu pries, il n'y a pas la paix de Dieu là-bas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aucun homme ne peut résoudre ce problème sans dehors de Dieu. Ça suppose que c'est toi et Dieu, c'est même pas ton mari. Que j'ai pas la paix, tandis que voilà quand ça se passe avec ton frère, c'est je suis pas tranquille, je suis toujours chaque jour non, ça... stress pour dire hey, la fin c'est ça justement comme il y a pas la paix dedans, c'est pour ça qu'il y a les inquiétudes dedans, il y a les inquiétudes, donc ça veut dire que voici ce que tu vas faire, tu vas rester devant le Seigneur jusqu'à ce que ces problèmes se soient résolus. Ça veut dire quoi concrètement? Tu dis Seigneur, je n'ai pas la paix, je vais ta paix dans cette affaire-ci. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que le Seigneur veut que tu comprennes. Alors, en fait, il faut que ça se passe entre toi et Dieu directement. Il faut que ça se passe entre toi et Dieu directement. Parce que tu vas écouter les voix des hommes, tu vas écouter beaucoup de voix et ça va t'entraîner dans l'injustice. Mm-hmm. Ce qu'il faut faire, c'est, Seigneur, je veux que tu me montres. Souviens-toi qu'il t'a montré le songe. Tu n'as pas demandé ses doigts. Il t'a montré dans le songe qu'il y a deux enfants subitement. N'est-ce pas? Mm-hmm. La même année. Tu avais demandé l'enfant. Hein? Mm-hmm. Tu avais prié pour demander. Mm-hmm. C'est lui qui a voulu, non? Mm-hmm. N'est-ce pas ton mari a dit que, ah, comment ça? Il a vu la chose, non? Mm-hmm. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une explication qu'il a dû lui donner. N'est-ce pas? Des fois, dis-toi que c'était même un poète interrompu. C'était même la première fois. Donc, une petite goutte qui va rester comme ça là. Deuxième fois. Et donc, ça fait peur. Non, ça veut dire que tu es une élue du Seigneur pour les enfants, quoi. Il ne faut pas dire ça comment? Mais ils sont comme ça. Tu n'aimes pas le genre de bénédiction là. Il y a des gens qui cherchent partout. Il faut dire amen, tu arraches. Et ma soeur, donc en réalité. J'ai déjà deux. Et une troisième va en devenir. Ok, si tu me donnes un, tu sais quand tu me bénis, tu es béni aussi. Tu me donnes un, je te donne deux quoi. Bon, ma soeur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rentrer devant le Seigneur, d'accord? On va se surveiller. Et on va prendre, je crois que mon épouse a ton numéro. On va prier, même quand on sera au Cameroun, on va prier pour contrôler ceci. Parce que quand Dieu te donne le songe que l'enfant vient d'arriver, alors que tu n'as même pas demandé, il faut savoir que Dieu a un travail avec toi. Donc ça veut dire que fais-lui confiance, il va se révéler à Dieu parce qu'il va montrer ce qu'il en est. Dieu est assez puissant, il peut arrêter la grossesse, mais comme d'abord, quand tu cherchais la grossesse, même en période de fécondation, que la science a dit que 3 jours avant, 3 jours après, dans cet intervalle, tu fais, il y aura l'enfant. Tu avais fait, il y avait l'enfant. Maintenant que tu ne cherches pas, l'enfant vient, non? Tu esquives même comme ça, sans retour de grossesse, ça vient, non? Donc ça veut dire que c'est Dieu qui est au courant de tout et au contrôle de tout. Comme on a chanté, il voit, il connaît tes grossesses, il connaît tes soucis, il connaît, même si ton lit conjugal, il connaît, car il connaît tout, il voit, il connaît, Jésus connaît tout, il voit, il connaît, il voit, il connaît, confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Si c'est écrit dans ton livre, que la liste des enfants, c'est ça, tu montes, tu descends, tu vas les accoucher, tout ça, les sortir. Si c'est écrit dans ton livre que c'est après 2 mois que tu vas accoucher, mais les docteurs vont se fâcher, ça va sauf que venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Confie-toi au Seigneur. Il va arranger la situation, d'accord? Donc, tu as une relation personnelle, tu as une relation claire avec lui. Tu as une intimité avec lui. Ne te fâche pas de lui. Il y a des endroits où le Seigneur fait des choses que tu ne peux pas comprendre. Mais il peut vouloir faire cela pour t'amener des corrections. C'est-à-dire pour amener des corrections. Il y a des gens, il y a des façons de les chicotes du Seigneur pour amener la correction, pour que tu saches désormais, quand tu vas comprendre, que tu comprends qu'il ne faut plus faire ce genre d'erreur. C'est ce qu'il en est. D'accord, ma soeur? Voilà. Donc, aucune des décisions que nous allons prendre en tant que chrétiens, nous devons prendre des décisions qui vont en encontre. En contre avec contre la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, oui, elle a fini. Elle aussi. Hein. Donc, quand ton mari te regarde, on sait que tu es enceinte. Oui. Non, en fait, c'est. Bon, mon frère, c'est ma femme, elle a dit qu'on peut. Faut parler directement. Parler, oui. Ton mari dit que non, il faut parler directement. Non, oui, il faut parler directement. Au moment d'être en train de parler, nous, oui, parce qu'on a, on s'est retrouvé la vie dedans, en fait. Oui, gloire soit rendue au Seigneur. Mais la bénédiction de bébé, ça c'est entre vous deux. Non, non, je ne te donne pas la bénédiction. Ah, mais quand c'est déjà venu, est-ce que tu avais béni? En fait, j'aimerais savoir que est-ce qu'on peut être en couple chrétien et puis s'abstenir des rapports? Oui. C'est là où justement on va dans la Bible, justement. Allons-y dans est-ce la Bible. Est-ce qu'on peut s'abstenir pour un temps si on... Allons-y dans la Bible, non. Quand c'est une question biblique, il faut qu'on réponde la Bible bibliquement. Parce que c'est la Bible qui règle la situation. Parce que regarde bien, voici pourquoi je fais, même à la radio, je fais tout et tout pour ne pas donner ma pensée. Oui. Parce que si je donne ma pensée, quelqu'un d'autre donnera une meilleure pensée que cela. Mais quand c'est la pensée de Dieu, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Si tu veux suivre Dieu, que tu suives cette pensée-là. 1 Corinthiens chapitre 7. Mais les hommes aussi doivent comprendre qu'ils doivent aimer leurs femmes et les laisser tranquilles aussi souvent. C'est pas un champ. Vous savez quand même le champ, quand on cultive sur un champ, vous mettez le maïs. 3 mois, vous mettez le maïs. 4 mois, vous mettez le maïs. Il faut quand même laisser la terre en jachère. On n'a pas enseigné ça en géographie, ou c'est en géographie, c'est en quoi là, en science? Qu'il faut la terre soit en jachère. Ah! Continuez ici là. C'est ça non? Eh ma soeur, c'est ça. En fait, si les hommes étaient occupés avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, étant dans les jeunes et la prière, ils ne s'occuperaient pas bien de trop Amen. De ces choses-ci. Amen. C'est pour ça qu'il faut travailler ce domaine-ci. D'accord? Parce que l'une des choses, c'est que s'il ne donne pas ceci à mon mari, il va aller chercher dehors. Il va aller chercher quoi? Dehors. Si elle a le temps ici, il n'a pas le temps pour cela. Jamais. Voilà. Allons ici. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais dire à partir, on va lire doucement à partir du verset 1. Mais après, on va en arriver jusqu'au verset 29. 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, écoutez bien. Écoutez très attentivement. Donc, ça veut dire que les préoccupations que vous avez, vous posez des questions maintenant, les mêmes personnes, les chrétiens ont toujours des préoccupations. Et ce sont les préoccupations dont, dans Corinthiens qui étaient question, que le Saint-Esprit répondait pour donner maintenant les directives dans ces choses-là. Donc, ceux-ci avaient posé beaucoup de questions à l'apôtre Paul qui devait répondre point par point. Et dans l'une de leurs questions, il était qu'il concernait le mariage dans le couple, parce que le foyer, il n'y avait pas de direction. Et ici, Dieu devait donner la pensée décidément par rapport au foyer sur la terre. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, pas que chacun ait ses femmes. En Côte d'Ivoire, il y en a tout entendu avec le BCC. Que chacun ait sa femme et que chaque homme, chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc, le mari ne doit pas faire tourner le dos à la femme sur le lit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, ce n'est pas un droit absolu. Écoutez très attentivement. Viens avancer. Regardez, suivez attentivement. Ici, ce n'est pas un droit absolu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu sois fatigué, que tu ne sois pas fatigué, tu dois sauf que me donner. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce qu'en réalité, le couple, c'est le reflet de l'amour de Dieu avec l'Église. Là. Donc, ça veut dire que ce couple, ça doit se réfléchir là-dedans. Je veux que vous écoutez très attentivement. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, s'il y a un endroit où la femme a l'autorité ici, dans la Bible, c'est voici l'endroit. Pas pour prêcher. Ici, Dieu a fait le qu'il a donné le corps de la femme de côté de l'homme, et de l'homme à côté de la femme. Ça veut dire que c'est... Si la femme, par exemple, prenons le cas de notre soeur, non, on a fini avec elle. Non. Prenons le cas de notre soeur. On dit que, salut moi mon frère. Donc, d'après ce qu'on a dit, s'il veut saluer ton mari, s'il veut saluer ton mari, comment? Qu'il écoute bien. Dépose ton ventilateur, voilà. Donc, normalement, s'il fait comme ça, c'est lui qui chante de saluer. S'il fait comme ça, c'est toi qui chante de saluer. Mais en fait, physiquement, ce qu'il vient de faire là, physiquement, ce n'est pas normal. Parce que je t'ai salué, c'est toi que j'ai salué. Tu as ton empreinte, il a son empreinte. Mais ce qu'on a dit, vous l'a dit ici, que le bonheur dans les relations sexuelles de la femme se trouve chez l'homme. C'est pas pour toi. Et son bonheur, ce n'est que chez toi. Tu ne dois pas prendre ça quelque part d'autre. D'accord? Donc, vous êtes unis pour être l'un à l'autre. Et lui, il ne doit pas te priver de cela. Toi, tu ne dois pas le priver. Ça veut dire que si tu as besoin, il doit te donner. Mais ce n'est pas un besoin dans le sens d'autorité que lui rend conseil. Il dit, tu es où? Toi, tu griffes un peu l'enfant, la femme pleure. Tu sais qu'il m'occupe de l'enfant, oh, l'enfant pleure. Et dit que laisse l'enfant là. On connaît les hommes, hein. Et on vous connaît aussi, vous les femmes. Quand vous nous faites ça comme ça, là, on connaît. Maintenant, ce que la Bible en train de nous dire, que tu peux lui dire, et s'il vient, c'est un secret, il te dit maintenant qu'il ne comprend pas. Si un jour il vient maintenant, il dit que donne-moi. Tu dis que garde mon corps au frigo. Parce que ton corps est là-bas. S'il dit donne-moi mon corps, tu dis quoi? Toi, garde aussi mon corps au frigo. Parce que ton corps se trouve là-bas, son corps se trouve ici. En fait, on a dû parler ici de l'entente pour entrer en contact. D'accord? Il faut l'entente pour entrer en contact. Donc, personne ne doit se soustraire de l'autre. Normalement, si l'homme aime la femme et que la femme est soumise à son mari, cette chose-ci ne causera jamais de problème dans le couple. Le mari doit savoir que, en fait, c'est son être là-bas. C'est son être semblable à lui là-bas. N'est-ce pas? Et par conséquent, il doit savoir que ma femme travaille beaucoup. Elle est malade maintenant. Il faut que je la soutienne plutôt que de demander des choses. Je ne sais pas comprendre, puisqu'il aura toujours ça. Pourquoi ne pas passer du temps avec elle? Il y a autre chose, autre plaisir, autre que ça. Eh, mes frères! Eh, les frères, ils ne parlent pas maintenant. Eh, les frères! Le frère, vous savez que les hommes, chacun, quand on prêche comme ça, quand il s'agit de l'homme et la femme, quand on touche la femme, je connais les femmes là, quand on dit que la femme doit être soumise à son mari t'a conseillé, t'avais dit ça, non? Il est content, n'est-ce pas, ma soeur? Quand on dit que mari, maintenant c'est comme ça, lui, elle attache à lui. Oui, les femmes ne sont pas. N'est-ce pas, les frères? Donc, en réalité, quand les femmes sont dans les périodes délicates de leur santé par rapport à cela, il faut plus qu'on les aide. On les aide à prendre soin pour que son corps puisse revenir. Parce qu'en réalité, c'est son corps à toi. On les aide plutôt à prendre corps. Maintenant, continuons la lecture. Regardez. Ah, c'est un sujet. Verset 5. Maman, je vais poser une question. Ton cahier de questions n'a même pas encore abordé une seule question. Mais même la question, moi, j'irai poser la question. Amen. Ne vous privez point l'un à l'autre, si c'est d'un commun accord pour un temps. Je veux que vous regardez bien qu'on a dit pour un temps. Et vous allez voir pourquoi il en a dit pour un temps, tout à l'heure. Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, il faut que les hommes et la femme travaillent au niveau de l'incontinence. C'est-à-dire savoir se maîtriser. Si tu te maîtrises, vous n'avez pas besoin de vous abstenir seulement quand il y a la prière. Parce qu'il y a des disciplines pour vous-même. Vous pouvez avoir des régénérements par rapport à votre relation. Il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Ça veut dire pour ceux qui sont faibles, qui ne peuvent pas supporter, quand vous allez comment entrer dans la prière, ça veut dire que pendant la période de prière, vous n'avez pas besoin de cela. Parce qu'on dit, ici, le verset dit clairement que si vous êtes en train de déjeuner et prier, vous n'avez pas besoin de rapport sexuel. Donc si un frère sait, par exemple, que sa femme est dans les incapacités à produire la chose là, il entre dans le jeûne et dans la prière. Parce qu'à ce moment-là, il est sûr qu'il est dans le jeûne et dans la prière. Ça va le préserver, n'est-ce pas? Amen. Il est à cause de votre incontinence. Il dit, puis retourner ensemble, je peux que Satan ne vous tente. Parce qu'on est dans le cas où vous dites, ah si, il ne donne pas ici, c'est ce qu'il va donner, il va aller à la maison. Maintenant, ta santé est en jeu, ta vie est en jeu. Parce que si un homme est conscient, il va savoir que quand sa femme est dans cette situation-ci, il faut plutôt la préserver comme le neuf. N'est-ce pas? J'ai dit cela par condescendance, je n'en fais pas un autre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc il dit que c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure en haut que ce n'est pas un droit absolu. Vous avez vu quand il utilise ce mot-là, ce n'est pas absolu. Donc Dieu peut vous faire grâce, Dieu fait grâce dans les couples différemment. L'homme peut être résistant par exemple. Il y a des hommes que dans le couple, ils n'aiment pas le rapport sexuel, parce que c'est la femme qui peut avoir le pasteur qui vous dit que. Il est couché là-bas comme un mort. Pas qu'il ait des problèmes sexuels, pas qu'il ait des problèmes physiologiques. En fait, naturellement, il n'aime pas cela. Là, maintenant, il faut une autre grâce pour que ce couple ci soit dépassé. Parce qu'il y a une particularité. L'autre, que quand il porte avec lui, il rentre un peu comme en 5 heures, il dit lève-toi. Tu es venu voir le lit ici, là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est de son droit. Il y a encore la façon d'amener ici. On avance, frère. Maintenant, regarde, allons verset 29. Verset 29. Verset 29 de 1 Corinthiens 7, c'est là où je vais conclure. Voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court. On en a ramené les chrétiens qui vivent dans ce texte, dans le cadre du mariage ici, dans la conscience. On en a nous conscientiser. Voici ce que j'ai dit, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. Soient comme n'en ayant pas. Vous avez moi, hein? Qu'est-ce qu'il a dit, vous l'a dit? Que le temps de la concentration pour ces choses-là, c'est terminé. Parce qu'il y en a d'arriver devant là, on s'apprête plutôt vers les choses spirituelles ou plus. Les choses d'en haut. Et il dit verset 30, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc la Bible veut nous faire comprendre qu'en fait, que le mariage ne soit pas un obstacle dans notre vie spirituelle. Il faut qu'on va au-delà de cela, on avance. Le mariage a été fait seulement pour nous réjouir, pour nous garder du péché ici, parce que aussi, il dit que pour ce qui concerne le mariage là, que chacun ait sa femme pour éviter l'impudicité. Pour que tu ne parles pas de femme en femme, d'homme en homme. Aie ton mari, aie ta femme. Maintenant, entendez-vous. Et l'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est que quand on vient comme ça dans le Seigneur, on ne renseigne pas ça qu'il faut parler, il faut fonder votre foyer, votre amour autour des bases solides que vous-même vous aurez fixées dans le foyer. C'est l'une des choses là-bas qu'il faut savoir. Les bases solides à laquelle il faut fixer. Il ne faut pas que la femme, ça c'est un autre paire de mains, si la femme croit, l'homme ne croit pas. Ou bien que l'homme croit, la femme ne croit pas. Mais vous au moins si, vous et votre mari, vous croyez. Donc sur cette base-là, vous devez savoir que, ah chérie, passons le temps dans la prière, dans le jeûne. D'accord? C'est la meilleure abstinence là-bas. C'est la meilleure, vous avez le thème, c'était quoi là, le prêtre? La meilleure contraception, c'est la prière et le jeûne. Parce que vous êtes d'accord, c'est clair que si vous passez le temps dans la prière, dans le jeûne, vous ne tomberez pas enceinte. N'est-ce pas? Il y a des enfants, des jeunes. C'est-à-dire que pendant le jeûne, tu tentes complètement. L'enfant là entre, il est loin de l'esprit, que même si vous bouillez le mari, qu'il soit, il ne sort pas. Des questions encore? Une question. Donc, je recommence encore ce que je viens de dire ici. Il faut que les hommes se contrôlent. Il faut que les hommes se contrôlent. Oui, pose la question. Donc, c'est pas mauvais que l'homme et la femme décident de s'abstenir. On a vu là-bas clairement qu'il dit que si il faut s'abstenir pour un temps pour vaquer à la prière. Oui. Mais que ça soit vrai. Même si c'est pas pour vaquer à la prière. N'ayez pas de problème. Mais que ça soit vrai. C'est-à-dire qu'une fois que je t'abstiens ici, que je m'abstiens avec toi, mais qu'avec une autre personne, je ne me suis pas abstenu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Abstenir, ça veut dire qu'abstenir. Voilà. Ça ne veut pas que je m'abstiens avec toi. Que, oh, ok, d'autant que ton champ pousse, il part de l'autre côté. Ce n'est pas l'abstinence, ça. Mm-hmm. Des questions? Et oui, j'ai une question. Oui. Donc ici, la parole de Dieu dit dans, au verset 4 que la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Oui. Hein? Et son, même chose, son même mari. Et à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Hein? Son corps est à sa femme. Oui. C'est seulement dans le cadre de... Des mariages. Oui, je veux dire que c'est ce rapport là. C'est d'abord de ça dont il est question ici. Ici, il a d'abord ce thème là. C'est d'abord des rapports sexuels dont il est question ici. Donc, tu n'as pas fait ça ce que tu veux. C'est pour cela que c'est un mari, vous n'avez pas de problème. Un mari dit que donne-moi, tu dis que je ne donne pas. Tu as des problèmes avec Dieu à cet instant là. Mais si tu es fatigué par exemple. Non, c'est pour ça qu'il dit que s'il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, alors il y a des manières de dire non. Tu regardes, tu te chérie, ça va. Il s'est parlé à son cœur. Il y a des manières, parle-lui. Voilà, il y a des manières d'amener pour dire non. Parce que les hommes, si tu dis non, tu commences à braver son autorité. Les hommes n'aiment pas ça. Mais les hommes aussi souvent disent non. Si tu dis non, il y a des manières flatteuses qui te donnent. Non, il peut ne pas flatter, il dit non. Bruce, c'est sec. C'est comme ça pour te chasser, non? Mais quand tu fais comme ça, tu montes ta prouesse. Quand tu sais la nourriture, il y a des manières, il y a des manières, non? Il y a des manières diplomatiques ou spirituelles pour pouvoir le faire accepter. Hein, ma soeur? Non, en fait, c'est pour ouvrir une parenthèse. C'est que mon inquiétude était au niveau de l'abstinence. Oui. Donc, vous pouvez vous abstenir pour faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Parce que Dieu n'a pas dit que vous faites ça chaque jour. D'accord? Parce qu'en réalité, au premier abord, Dieu avait fait ça pour la multiplication. Ce n'était pas pourquoi ce jour. Au premier abord, Dieu avait fait ça pour la multiplication. D'accord? C'est pour ça que tu vas voir que le corps ne va vers la poule que lorsque la poule est en période féconde. C'est pour ça qu'on se comprend. Non, suis attentivement ce que je viens de dire. Je viens de dire qu'à l'origine, si c'est pour la procréation. À l'origine, c'est pour cela que c'est pour les hommes de façon spécifique qu'il a donné comme ça pour, à cause des animosités et les désirs pervers qui sont dans la chair. À l'origine, c'est pour la procréation. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous allez remarquer que la chienne, le chien, en temps normal, le chien et la chienne marchent comme ça ensemble. À l'instant où il y a, vous appelez, ils ont des choses qui dégagent. Quand ils sont en période de fréquence, en fait, chaque couple, même que ce soit le poisson, n'importe comment, ils viennent ensemble uniquement dans ce domaine-là pour aller féconder. Le chien ne va vers la chienne que lorsqu'elle est en période de fréquence. Tu vois, tous les chiens dans le quartier commencent à dire, les dragues chiennales, comment ça s'est passé? Quand ils finissent ça, dès qu'ils ont fini, quand il y a une fécondation, pas un chien qui vient vers elle, non, elle est la plus enragée contre lui. Aucun chien ne peut plus aller là-bas parce que la fécondation a eu lieu. Après la fécondation, il n'y a plus de rapport sexuel. Juste parce que l'autre fécondation ne vient. C'est comme ça. Donc en réalité, c'est les hommes seulement qui ont pris ça maintenant, à qui Dieu a donné comme le bureau officiel de repos. Donc à l'origine, c'est fait pour la procréation, pas pour de l'argent. Pas pour le chantage. D'accord? D'accord. Et moi, j'aimerais savoir, ma dernière question, c'est que comment est-ce que Dieu voit le couple chrétien? Il voit d'après la parole, d'après ce qu'il a dit ici. Oui, je sais. Enfin, il doit les voir comme ça. D'après la parole. Mm-hmm. C'est-à-dire. Éphésiens chapitre 5. On y va. Je ne parle pas du plan sexuel. Non, on a fini là-bas. C'est pour ça qu'il dit qu'on a dans là-bas. Éphésiens chapitre 5. Vous allez à 1 Corinthiens, là vous avancez seulement rapidement. Éphésiens, donc vous êtes à 1 Corinthiens, on a lu. Vous avancez 2 Corinthiens pour vous trouver. Et puis quand vous allez ouvrir, je vais vous dire quelque chose d'abord. Non, il y a Éphésiens. Il y a Éphésiens. 1 Corinthiens chapitre 5. si vous avez ouvert maintenant, je vous dis quelque chose avant d'avancer. Première chose, c'est que tout sur la terre que Dieu a créé est une prophétie pour Christ et l'Église. Tout. Et l'homme est le niveau parfait, l'homme, dans le couple avec sa femme, est le niveau parfait de la révélation du plan de Dieu. Il dit bien, souviens attentivement ce que je dis. La création de Dieu tout entière annonce des prophéties par rapport au plan de Dieu. Vous avez lu 1 Corinthiens chapitre 12 où l'apôtre Paul dit que Christ est la tête et nous sommes le corps. Et chaque membre du corps. Quand il prend le corps humain pour commencer à expliquer le corps de Christ. Donc Dieu, en créant le corps humain, pensait au corps de Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la tête, si a été faite de telle manière que rien ne soit à côté de la tête, pour dire que quand Christ sera seul là-bas, le seul qui sera la tête. Et les autres seront en bas. C'est pour ça que la tête sur le corps, c'est la tête seule qui est élevée. Donc Christ seul doit être élevé. Donc toute la création annonce ces choses-là. Maintenant, la création, la chose parfaite qui montre le plan de Dieu dont la Bible révèle, c'est l'homme et la femme dans le mariage. C'est-à-dire que le mariage entre Christ et l'Église. Chapitre 5, verset 22. Vous y êtes. Femme. Il veut dire, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc une femme qui est mariée, qui n'est pas soumise à son mari, ne peut pas plaire au Seigneur. La soumission, c'est fort. Ah, c'est fort. Ah non, continuez, ça se trouve ici. Écoutez. Car le mari est le chef de la femme. Car, parce que elle doit être soumise parce que le mari est son chef. Quand vous êtes dans un bureau, vous allez travailler dans un bureau. Les chefs, les hiérarchies sont données là-bas parce qu'il y a des ordres à donner et à respecter par l'un ou l'autre. C'est-à-dire quand le chef dit, prends ces papiers, c'est saisi et donne là-bas. C'est parce qu'il est ton chef qui fait cela. Si n'est pas ton chef, il ne va pas te donner l'ordre. Un collègue que vous avez comme ça, si il te demande comme ça, il va te dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça, il va te demander le service. Si c'est ton chef n'a pas besoin de te demander le service. Il te donne les ordres dans ton travail, tu exécutes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc ici, le mari est le symbole de Christ. La femme est le symbole de l'Église. Et par conséquent, le rapport qu'il doit avoir donc maintenant, sur le plan social, n'importe quel gouvernant, en plus quand tu sois chrétien, le rapport qui doit être entre vous, ce sera le rapport entre Christ et l'Église. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire doit être fait à la lumière de Dieu. Parce que dès le départ, vous prophétisez l'un et deux et l'autre, le personnage, Christ ou l'Église. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est donc pour cela que entre le mari et la femme, il ne doit pas avoir une autre femme. Parce que Christ n'a qu'une seule épouse. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Christ n'a qu'une seule épouse, il n'en a pas deux. Verset 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ. Comme. Le mari est le chef de la femme. Comme. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. C'est pour ça qu'il va expliquer que le corps de la femme est chez l'homme, le corps de l'homme est chez la femme. Parce que le corps de Christ, c'est l'Église. Vous suivez? Maintenant, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, une femme qui est insoumise, elle a de prophétiser par sa vie que l'Église peut désobéir à Jésus. Vous voyez ce que ça peut faire comme cataclysme, n'est-ce pas? Donc, une femme, normalement, c'est pour ça que la Bible s'attend à ce que les femmes soient les femmes de Sarah, les filles de Sarah, les femmes vertueuses. Il dit de même comme l'Église est soumise à Christ. On a déjà dit de façon univoque ici que l'Église est soumise à Christ. On ne demande pas à l'Église d'être soumise à Christ. L'Église l'est. L'Église est de même que l'Église est soumise à Christ. Parce que nous, les croyants, on ne va pas chez Dieu pour lui imposer notre point de vue. On ne va pas chez Dieu. On va plutôt demander ce qu'on doit faire. Vous voyez? On ne va pas dire à Dieu que discutons des points de vue et que je vois si j'ai tort, tu as raison. Il parle des rapports de couple là-dedans. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, il dit, les femmes doivent être l'être de cette façon-là. Donc, le rapport de soumission, c'est soumission homme-femme, femme envers son mari, c'est comme l'Église est soumise à Christ. D'accord? Comme tu poses la question, c'est quoi la soumission? Christ donne les ordres, l'Église obéit. Le vrai problème, c'est que Christ, étant dans sa position de Seigneur, donnant les ordres à l'Église, ne lui donnera pas l'ordre qui va le détruire. L'ordre que Christ donne à l'Église, c'est par amour. Parce qu'en fait, si Christ fait du mal à l'Église, il fait du mal à lui-même. Parce qu'on a défini l'Église comme étant son corps. On a défini l'homme. Regardez aussi, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Dans le style de, d'amour que Dieu attend pour la femme, pour le mari, en vis-à-vis de sa femme. Dieu ne demande pas à, sa, à la femme d'aimer le mari. Dieu ne demande pas parce que la femme aime naturellement. L'homme est chef naturellement. Mais la femme est insoumise aussi naturellement. C'est fort, n'est-ce pas? Écoutons très attentivement. Ce que Dieu commande à chacun des personnages, c'est parce qu'il a des problèmes d'ordre spirituel dans ce domaine. Attends. L'homme a le problème d'ordre spirituel d'amour. La femme a le problème d'ordre spirituel de soumission. Dieu commande à l'homme d'aimer sa femme parce qu'il a tendance à aimer plusieurs femmes. C'est vrai, on l'a dit, aime ta femme. Donc, si tu sors, tu vois Angéline. Tu dis, mais Angéline, mince, mince, mince, mince. Tu dis, mami, yes. God don't give you cash. Tu dis ça. Ta femme à la maison. Tu dis, ah, je crois qu'il avait fait l'erreur. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ça, la femme, c'est ton corps. C'est on dit quoi? L'appréciation, l'amour doit être destiné uniquement pour elle. Parce que Christ aime l'église. Regardez, verset 25 encore. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le mari est prêt à mourir pour sa femme. Vous avez moi? Je suis là. Le mari est prêt à mourir pour sa femme. Parce qu'un homme normal n'aimera pas que quelqu'un tourne autour de sa femme. N'est que mamie, tu es belle, tu touches les cheveux. Tu dis, hey, c'est la dernière fois que tu franchis ces lignes-là. Un homme normal ne doit pas toucher une femme de Dieu en touchant les cheveux. Ça, c'est fait. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi donc Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aimerait pas que l'église donne son amour, son appréciation à une autre personne. L'idolâtrie. Vous y êtes? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin que Dieu fasse paraître devant lui cette église sans tache, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais c'est irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme. Donc, vous demandez le style d'amour. Comment faites-vous aimer ma femme? Lisez ici, ça se trouve là-bas. Donc, vous posez la question. Comment Christ aime l'église? Comment est-ce qu'il traite l'église? Il ne boxe pas l'église. Pourtant, nous vivons chaque fois, nous commettons des erreurs devant le Seigneur. Comment est-ce qu'il nous corrige? Comment est-ce qu'il nous reprend? Il nous reprend avec amour. Pas pour nous frustrer. C'est pas normal qu'un mari reste en plein, vous entendez, dans les cités comme ça là. Les gens sortent, chacun sort de sa fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Que c'est encore les deux là. Il reste au carrefour, elle ouvre la porte, tout le monde va entendre. Le mari fuit. Il dit, passe ici, passe ici, passe ici. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il dit, je vais faire. Tu te caches maintenant. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Elles vont faire comme ça, le soir, ils sont où? À deux. Dans la chambre. Dans la chambre. C'est pour ça que si tu veux mettre le doigt dans le siège, à l'affaire là. Quand vous allez venir parler comme ça, quand. Quand ils vont se retrouver là-bas. Quand ils vont se retrouver, il dit que c'est le voisin là. Il t'avait dit le voisin là, il ne veut pas notre bien. Tous les problèmes qu'il y a ici, c'est lui. Donc, la façon que le Seigneur nous reproche, la façon que le Seigneur, parce que j'ai dit ceci parce que la relation que Christ, dont le mari et la femme doivent entretenir, c'est la relation. C'est-à-dire que si c'est difficile, posez justement la question comment Jésus résout le problème avec l'Église. Parce que chaque fois nous avons le péché devant de lui, nous allons devant de lui, nous demandons pardon. Pas vrai, chacun de nous demande pardon. Quand je demande pardon, s'il ne te pardonnait pas, tu ferais comment? Alors, ça veut dire que si, de cette façon-là, si le mari est fautif, la femme est fautive, elle vient vers le mari, tu dis que c'est terminé. Tu m'as toujours demandé pardon comme ça. Tu pleures avec les larmes des crocodiles. Je ne te pardonne pas. Est-ce que Christ peut faire ça avec l'église? Donc, ça veut dire que si la femme, de la manière dont le Christ Jésus traite l'église, c'est ce rapport-là qu'il s'attend à ce que la femme, l'homme est envers sa femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner lui-même sa propre vie. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme. Ici, c'est un commandement sans équivoque. Ça veut dire, s'il faille donner sa vie, pour ce n'est pas le genre d'homme que le bandit vient à la maison, il fuit, il va se cacher, il dit, chérie, va ouvrir la porte. Pour que s'il faut tuer, on tue d'abord la personne en premier. Même quand les femmes gueulent n'importe comment, si vous marchez à deux, s'ils voient le serpent, première chose, elle se cache derrière l'homme. N'est-ce pas? Pour dire quoi que l'homme, s'il faut mourir, ça mord d'abord qui? L'homme. S'il faut tuer, c'est le tuer, l'homme qui tue. Parce que par réflexe, ils savent que normalement, elles sont normalement que l'homme est le chef de la femme. Mais la bouche de la femme là ne veut pas rester tranquille. Alors il dit ici, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Tu as vu ça au verset 28? Car jamais personne n'a haï, jamais haï son propre chair. Mais il la nourrit jour et nuit en prend soin comme Christ le fait pour l'église qui est son corps. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Donc, la réponse à la question, comment faire pour vivre dans la société en tant que couple? Ça se contenu dans ces huit versets. Donc, chaque fois qu'elle pose un acte, avec, tu peux poser un acte avec ton mari, pose la question, est-ce que c'est la réaction d'un, de quelqu'un qui a un chef? Est-ce que je lui parle en tant que mon chef? Je lui parle avec autorité comme femme de commandement, comme femme autoritaire. Si c'est comme ça, tu demandes pardon rapidement. Parce que tu peux commander le Seigneur. Que si tu ne me donnes pas ce qui t'est demandé, je n'ai pas fait le stérilet là aujourd'hui. Je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi. Quand tu vas finir, tu es fâché contre lui. Quand tu vas t'asseoir, à l'instant, tu vas t'asseoir, tu vas savoir que Jésus est Seigneur. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que Seigneur, demande pardon pour ce qu'il vient de dire. N'est-ce pas? Parce que normalement, tu ne dois pas dire de telles choses-là. Pas vrai? La relation entre l'homme et la femme dans un foyer, c'est la relation entre Christ et l'Église. L'homme ne marche pas avec autorité et autoritarisme sur sa femme. Il l'aime dans un rapport mutuel. Parce qu'en réalité, en dehors d'être l'homme chef de famille, il est le mari. Il est son frère. Parce que vous avez tous un même père. Donc, en plus d'être sa femme, tu l'appelles chérie. S'il ne répond pas, dit ma soeur en Christ. Là, il ne peut pas refuser. Pas vrai? Parce que soeur en Christ, c'est ta soeur. Amen. Des questions?